Bah, dis comme la bien pour dire que non, les gars. Chanson sur les gros pauvres, c'est-à-dire en disco. Allez, on enchaîne, vas-y.